أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Message pour un jeune musulman, une jeune musulmane vivant en France. Juifs et chrétiens ont perdu leur religion à partir du jour où ils la trafiquèrent. L'islam est venu leur rappeler leurs mensonges et leurs erreurs autant que l'issue qui est encore aujourd'hui à leur portée. Ne sois pas dupe en imaginant que ceux qui ont refusé ce rappel puis concrétisèrent leur haine par les drones et les bombes à phosphore blanc feront le moindre effort pour faciliter ton épanouissement religieux dans tout ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam t'a enseigné, bien au contraire. Et parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a infirmé par sa parole d'éternité, ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Dis certes, la direction d'Allah est la vraie direction, mais si tu suis leur passion, après ce que tu as reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protecteur ni secoureur. Sourate al-Baqarah, verset 120. Et les gens de l'islam ne sont pas tous unanimes sur les devoirs qui pèsent sur eux. Pourtant, Allah Azza wa Jal a dit « Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement vouée à Allah seul. » Surat al-Baqarah, verset 193. Vont-ils donc nier que le din aujourd'hui est majoritairement voué à autre qu'Allah à la surface du globe, sauf en quelques lieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a entouré de sa miséricorde? Je veux te dire ici ce que ton imam ne peut pas te dire, et je veux t'exprimer ici ce qu'est la fierté de ta religion. Ta communauté est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ta communauté est celle des califes bien guidés, radiallahu anhum, et des conquérants. Ta communauté est celle qui ne plie pas sous l'effet de l'oppression des tyrans usurpateurs du droit d'Allah sur ses créatures. Jeune frère, jeune sœur, ta communauté ne forme qu'un seul bloc, celui de la foi, du sacrifice et de la piété. Et peu importe que ces points paraissent étranges aux gens qui ont choisi la défaite et la perte pour mode de vie. Et comme est pure cette analyse du gérant des univers, subhanahu wa ta'ala, par le temps, l'homme est certes en perdition. Surat al-Asr, versets 1 et 2. Ce bloc n'est pas celui de l'adhésion au parti politique. Il n'est pas celui de l'avilissement, de la translucidité ou de l'aplaventrisme devant les attaques menées par les armadas du faux. Et le temps n'est plus à sombrer là où d'autres avant toi ont sombré. Ne sois donc pas dupe de la beauté du décor ambiant d'alentour. Ne sois donc pas dupe des fausses facilités d'existence qui se présentent à toi ici, en France ou en Occident. Et surtout, garde-toi de devenir cet animal heureux de remuer la queue après réception d'un salaire ou d'une situation sociale aveuglante des réalités de ce monde avec ce que les gens en ont fait à force de prendre en dérision les avertissements de notre adoré Allah, tout-puissant, tout majestueux, lui, le tout contraignant, et comme nous suffit son exhortation. Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils le peuvent, vous détourner de votre religion. Et ceux parmi vous qui adjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Sourate al-Baqarah, verset 217. Vois donc où sont passés les adorateurs de Tony Montana et de Mesrine. Vois donc où sont passées les heures de l'insouciance et dans les poches de qui sont tombés ces fruits. par Allah, le seul détenteur de nos âmes, sois lucide sur cela au plus vite, avant la venue de ton tour, parce que très peu te le diront et beaucoup voudront autant fermer tes yeux que tes oreilles là-dessus. Le bloc de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se défend si la moindre de ses parties est agressée, si la parole d'Allah est méprisée ou combattue. C'est un bloc qui n'accepte pas le viol répété de ses sœurs et qui n'accepte pas le massacre de ses enfants. C'est le bloc du talion, sans fanfaronnade et sans maquillage. Et ce qui suit émane d'un sage parfaitement omniscient et sachant des conditions aboutissant au bien pour ses adorateurs. Combattez les associateurs sans exception comme ils vous combattent sans exception. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Sourate At-Tawbah, verset 36. Qui peut donc nier cela et rejeter cela? Qui? Et qui viendra polémiquer par-dessus cette sentence du meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam? Les nations se rassembleront sur vous à la façon d'affamés se rassemblant autour d'un plat. Nous avons demandé, ô messager d'Allah, cela sera-t-il dû au fait que nous serons peu nombreux? Il, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu, en ces jours, vous serez nombreux. Mais vous serez comme l'écume au-dessus de la surface de la mer, et Allah enlèvera la crainte et l'effroi des cœurs de vos ennemis, tandis qu'il placera dans les vôtres Al-Wahn. Nous avons demandé, et qu'est-ce qu'Al-Wahn? Il, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, l'amour de ce monde et l'aversion de la mort. Et dans une autre version de l'imam Ahmad, rahimahullah, votre aversion du baytal, du combat, le combat armé, rapporté par les imams Abu Daoud et Ahmad, confirmé aussi dans As-Silsilah As-Sahih, numéro 956, où Al-Albani il a déclaré Sahih. Un bloc de pleine vérité, vivant dessus, mourant pour cela en tout lieu du monde. Comment t'expliquer, jeune frère, qu'un tri sélectif du Tout-Puissant est en train de s'opérer? Un tri établissant la balance entre les gens fidèles au pacte stipulant « La ilaha illallah, Muhammad al-Rasulullah » contre la partie des gens de l'orgueil. Avec ces lots d'espoir délirants au sujet de mérite que seuls les véridiques, les sincères et les pieux obtiendront en toute justice et en parfaite équité au jour du non-retour possible. Et Allah n'éprouve pas de gêne quand il dit au genre humain, dis, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien? Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur ainsi que sa rencontre, leurs actions sont donc vaines et nous ne leur assignerons aucun poids au jour de la résurrection. Sourate Al-Kahf, versets 103, 104 et 105. Ton bloc est celui des hommes et des femmes qui sont heureux d'être soumis à Allah et révulsés de ceux qui sont soumis à ses créatures. Ton bloc s'oppose à eux par les mains, par le corps ou par le cœur, conformément à la voix prophétique qui légifère depuis la parole de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque constate un faible amable doit intervenir pour le corriger par la main. S'il n'est pas capable, qu'il le fasse par la langue. S'il n'en est pas capable, qu'il le désapprouve en son fort intérieur. Et c'est là le degré le plus faible de la foi. Hadith sahih, rapporté par Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad, Al-Muttaqi et Ibn Abd al-Barr. Ton bloc ne se soulèvera pas pour un drapeau, ni pour un morceau de pain, ni même pour jouir de cette vie à la façon des descendants des singes et des porcs. La vérité est un droit que ton bloc défend comme il défend son propre sang et ne lâchera rien de ceci, jamais. Abdullah ibn Jabir, radiallahu anhu, a dit « j'ai entendu la parole suivante du messager d'Allah. Il restera toujours un groupe de Mahouma se battant sur la vérité jusqu'au jour du jugement. Ceci est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. Ne sois donc pas de ceux qui s'écartent de ce bloc, imaginant bien faire, car en dehors de la vérité, tu ne trouveras jamais rien d'autre que le mensonge, et Allah suffit comme juge parfait de la finalité des mondes quand il tranche en disant « Tel est Allah, votre vrai Seigneur, au-delà de la vérité, qu'y a-t-il donc sinon l'égarement ?» Sourate Yunus, verset 32. Comment t'expliquer le cas des lâches vivant ici avec les caractéristiques vestimentaires de la piété? Lâches pour avoir abandonné le messager sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il fut insulté. Lâches pour avoir laissé ce pays lancer ses contingents armés contre d'autres frères et d'autres sœurs faisant partie de ton bloc. Lâches pour avoir invité nos masses à se focaliser sur des choses secondaires quand elles ne furent pas carrément déviantes. Plaideront-ils donc au sujet du contenu secret de leur poitrine? Allah suffit encore pour ta préservation contre les pitres. Et ils, les hypocrites, jurent par Allah qu'ils sont vraiment des vôtres alors qu'ils ne le sont pas, mais ce sont des gens peureux. Sourate At-Tawba, verset 56. Et si prononcer la parole du pacte le plus beau, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, avait suffi à leur assurer une éternité de délices comme ils n'auront de cesse de te le scander en chansons, en vers et en rimes, utilisant sans lassitude des hadiths dont ils sont à 20 000 lieues sous terre niveau implication. Alors, que la réponse d'Allah te satisfasse et qu'elle te soit un bouclier tenace contre leur divagation. Lui, Subhanahu wa ta'ala, qui dit bien, quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Surat al-Munafiqun, verset 1er. T'intéresse-t-il donc vraiment de savoir comment se comporter aux toilettes, alors que non loin de là, un de tes tout petits frères se bat pour l'établissement du Verbe céleste? T'intéresse-t-il donc vraiment de partir en soirée quand tu sais qu'une petite sœur pleure quelque part sans savoir que ses parents ne reviendront plus vers elle en ce monde? Était-il à ce point bénéfique de semer ta sève et ta belle vitalité dans la détente fumiste qui tue ta communauté sans que tu en sois seulement conscient? Que nous rapporterons donc ces années de rappel et ces cercles d'évocation sans vitalité, dénués d'amour pour les victimes de la Oumma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit, l'exemple des croyants dans leur amour, leur miséricorde, leur compassion mutuelle est comme l'exemple d'un corps. Si un de ses organes se plaint d'un mal, le corps entier réagit par l'insomnie et la fièvre. Rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah. Apprends donc le sens de ces paroles. N'éprouve aucune pitié pour les malades qui souhaitent t'en détourner, comme ils s'en sont eux-mêmes détournés. Et puis, œuvre, oui, œuvre en conséquence avec toutes tes capacités, tout ton cœur, toute ta fougue au service de celui, subhanahu wa ta'ala, qui n'abandonne jamais, celui qui reste sincère sur ses dispositions et vis-à-vis de ses engagements. Allah dit, ô vous qui croyez, qu'avez-vous? Lorsqu'on vous a dit, lancez-vous dans le sentier d'Allah, vous vous êtes appesantis sur la terre. La vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà? Or, la jouissance de la vie présente ne sera que peu de choses comparée à l'au-delà. Sourate At-Tawba, verset 38. Ne cherche pas le courage auprès des poètes du feu. Ne cherche pas la lumière auprès des gens qui ont préféré vivre selon la méthodologie des autruches. refusant d'admettre la réalité, ne reconnaissant pas le poids du joug imposé par l'ennemi. Celui qui a pris sur sa nuque de vivre dans une cave pour se préserver, osera-t-il proférer que le soleil n'existe pas ? Comment t'expliquer, jeune frère, jeune sœur, qu'un jour énorme arrive et que nous allons tous comparaître avec ce que nous avons fait, ce que nous avons dit, ce que nous avons partagé ou retenu, et ce pourquoi nous avons décidé de nous taire ou d'agir? Reste-t-il dans cette parcelle assassine du monde quelques cœurs de monothéistes pour frémir? Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Sourate Al-Anbiya, verset 104. Des frères et des sœurs à toi souffrent et t'appellent au secours. D'autres frères à toi baignent dans la fierté plénière et ils t'invitent à y participer. Et puis d'autres encore ont atteint leur destination et t'exhortent par les traces qu'ils ont laissées en héritage ici-bas. Et l'histoire de ton bloc ne s'arrête pas à ton écran, à ton clavier, à des invocations pusillanimes sans engagement clair de ta part. En conclusion, cours derrière le savoir et l'acquisition des compétences qui servent le haqq. Recherche le bien pour ta communauté par tous les moyens possibles. Et les moyens de la sunna sont plus terribles, plus forts, plus beaux et bien meilleurs que tous les autres moyens. Et ce sont de toute façon les seuls moyens acceptés par Allah. Légers ou lourds, lancez-vous au combat et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous, si seulement vous le saviez. Sourate At-Tawba, verset 41. Te diront-ils que tout ceci n'est que folie? Eh bien, qu'ils attendent donc, aussi vrai que nous attendons avec eux. Mais le verbe d'Allah resplendit et nul ne l'éteindra. Si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera par un autre peuple. Vous ne lui nuirez en rien. Et Allah est omnipotent. Sourate At-Tawba, verset 39. Laisse donc celui qui t'obstrue la route de cela en implorant pour lui la guider. Laisse celui qui ne se satisfait pas de mettre sa vie au service de celui subhanahu wa ta'ala qui la lui a donnée. Et élance-toi comme un lion. Un lion qui ne craint pas de voir le sang des hyènes couler sous la pression de ses griffes. Paix et bénédiction sur le meilleur des hommes, le messager Muhammad, sa famille, ses compagnons et sa descendance, ainsi que ceux qui les suivirent dans le bien. Un frère en Allah implorant le triomphe des musulmans et leur retour à l'honneur en tout lieu.